J'ai pas trouvé là où j'étais. Oh. Putain de moi. Putain de moi. J'étais cherché, j'étais pas trouvé là où j'étais. Thank you. Thank you.